J'ai pas eu le temps de la suite de l'histoire. Enfin vous proche, ton sang ira miroir tes tant ils appréhendent. Chaque fuite, nul n'ose raconter. On dit qu'une victoire enduite de merde n'est pas à compter. Dis-moi que ton style fait, dis-moi que ton style dit oui, dis-moi que l'on puisse faire. À l'envers quand les douves tremblent, face à travers quand les doutes entrent. On s'entend plus quand tu cries là, je l'ouvre. Rajoute ça dans le colis chaque jour. J'entends courir la foule sous la roue libre. Passer par porte de sortie, pas plus malin qu'un autre. J'accuserai la foule le jour où elle m'offrira sa ronde. C'est le temps perdu qui nous rattrape, on s'en tamponne. Enfant, réveille ta calage, va t'as pas l'âge pour qu'on t'emporte. Avec nouvelle voyage, t'as vite tout vu de là où tu danses, tu chies, tu parles ou tu te balades. J'ai connu la peur, l'amour, la folie, je grogne, étonné pas. Toutes les conneries qu'appauvrissent l'homme. L'époque m'aurait évolu, peurs sont faites à la louche, on apprend sans trop s'entêter, embêté, mes crâles à gauche. La balle, bon, bon, bon, pas le temps pour tes sonnettes. Voilà qu'on s'enfonce, faut le temps qu'on entend des promesses. Les pages tournent au fil du vent, on se rapproche pas un peu de nos rêves. Les paroles en l'air perdent du poids, m'y mentent promettre. Les pages tournent au fil du vent, on se rapproche pas un peu de nos rêves. Les paroles en l'air perdent du poids, m'y mentent promettre. Les pages tournent au fil du vent, on se rapproche pas un peu de nos rêves. Les paroles en l'air perdent du poids, m'y mentent promettre. Promettre.